kusa bigula suwe kusa bagaila suwe la sheba gaila suwe kusa bagaila suwe la sheba gaila suwe kusa bagaila bagay m pa dwe di. Nou men mwen ka force mwen. Nou men. Nou vle m di. M'ap di. Et bien son maman ki gon petite fi. Petite la, li gen 19 ans. 19 ans. Mais son petit maman serré kembe strictement. Il va lâcher du tout. Parce que André te connaît que bagay qui va arriver petit là. André te connaît ça, te senti ça. C'est ça que fait. Kembe petit là dit. Ça va te faire dire maman, où est-ce que j'ai nommé ça en face là? Quand j'ai appelé les gardes, tout le temps la femme yeux tout. Maman dit bébé petit moi. C'est pas pour bien, c'est pour mal. Divine bien, ma recevoir l'en bien. Divine mal, ma servir l'en mal. Aïe aïe. Et puis Dieu, comment ça le fait? Il traversait, il dit bonjour la mère. La mère dit bon et puis dit moi. La même devine m'a donné la main. Si mademoiselle ou avait m'a donné pour lui, moi ben en pile. La main dit, dit moi, mais là, caille pour où? C'est maintenant des caille pour lui. Il comprend de toute bagaille net qui pour lui. Il comprend de toute bagaille là dans tout. Et pourtant, il va ça dit tout. Bon, ouais, ça comprend. Vous dites moi, vous venez bien, ma recevoir bien, vous venez mal. C'est pas faute, ma recevoir mal, vous dites. Oh, et puis, c'est comme ça, vous traversez. Quand la même, j'ai rien, mais, ménager, non, mais, grand monde dans son salle, la grand monde dans le kembe. Ça, quoi, dit, fille, vous dites moi, regardez. Kembe. Parce que, bagage, ça, ouais, bon Dieu, bah, nous, hein. C'est tout à voir à nous. Nous pouvons nous gaspiller l'albaïli. A perdre un paquet de bagailles. C'est lui tout nous. C'est lui tout nous. Kembe la, kembe. Oh. C'est vrai qu'on s'en dit vrai. Je m'en dis que nous allons dans le cinéma, oui. Nous allons dire petit, mais allons dans le cinéma. Allons bien, mais tout allons bien. Oh. Là, dans le cinéma, oui. Pendant le cinéma, la palatine, on a besoin de faire un petit comédien qu'on et que qu'on parle français. Pour façon pour doubler un petit comédien, ça qu'on dit un comédien. Oh oui, chérie, on n'aurait pas le savoir de dire ça. On aurait dû de comprendre, c'est dans lequel radical à la maison du peuple. Là, tout ça, français. Là, tout français. Bonne français, c'est parti français. Français, oh, comme on a marqué mon salbaray. Monsieur même rivé la valise à plein. J'ai dit pour moi-même, j'aime ces nègres qui mettent dame. Pour nous faire un ménage dans mes mains, même bon bacabo. Nous faisons pas qui drôle, même bon bacabo. Samedi, pour aller dans le cinéma, pas le record ça y est. Oh,